Conscience de Hector Malot 1888 Première partie. Chapitre 1. Lorsque le bohème Crozat était sorti de la misère par un bon mariage qui le faisait bourgeois de la rue de Vaugirard, il n'avait pas rompu avec ses anciens camarades. Au lieu de les fuir ou de les tenir à distance, il avait pris plaisir à les grouper autour de lui, très content de leur ouvrir sa maison, dont le confortable le jetait loin de la mansarde de la rue Ganneron qu'il avait si longtemps habitée et le flattait agréablement. Tous les mercredis de 4 à 7 heures, il y avait réunion chez lui, à l'hôtel des Médicis, et c'était un jour sacré pour lequel on se réservait. Quand une idée nouvelle germait dans l'esprit d'un des habitués, elle était caressée, mûrie, étudiée en silence, afin d'être présentée dans sa fleur au cénacle. J'en parlerai chez Crozat. Les lèvres prenaient un sourire d'espérance, et l'on s'endormait tranquillement en écoutant déjà le tapage qui se ferait dans la petite salle basse de l'hôtel où Crozat, les mains tendues, la figure ouverte, recevait ses amis. Elle était aimable, cette réception. Simple comme l'homme, cordiale de la part du mari, ainsi que de celle de la femme, qui, ayant été comédienne, avait gardé la religion de la camaraderie. Sur une table, on trouvait des cruchons de bière et des chopes. À longueur de bras, un vieux pot en grès de Beauvais, plein de tabac. La bière était bonne, le tabac sec. Les chopes ne restaient jamais vides. On pouvait mettre ses pieds crottés sur les barreaux des chaises, en causant librement entre hommes et cracher sans gêne autour de soi. Et ce n'était point de niaiserie ou de futilité qu'on s'entretenait. De bavardage mondain, de commérage sur les amis absents ou de potins de coterie. Mais des grandes questions philosophiques, politiques, sociales, religieuses, qui règlent l'humanité. Formés d'abord d'amis, tout au moins de camarades, qui avaient travaillé et traîné la misère ensemble, le cercle de ces réunions s'était peu à peu élargi, et si bien qu'un jour, la salle de l'hôtel des Médicis était devenue une parlotte où les prêcheurs d'idées et de religions nouvelles, les penseurs, les réformateurs, les apôtres, les politiciens, les esthéticiens et même simplement les bavards en quête d'oreilles plus ou moins complaisantes se donnaient rendez-vous. Venait qui voulait, et si l'on n'entrait point là tout à fait comme dans une brasserie, il suffisait d'être amené par un habitué pour avoir droit à la pipe, à la bière et à la parole. Mais quoiqu'une certaine liberté réglât l'ordre du jour de cette parlotte, on n'était pas toujours certain d'arriver à placer le discours préparé pour lequel on était venu. Car Crozat, qui selon ses propres expressions, poursuivait la conciliation de la science moderne avec les religions quelles qu'elles fussent, usait et même abusait de sa qualité de maître de maison pour ne pas laisser les discussions s'écarter des sujets qui le passionnaient. D'ailleurs, eût-il faibli en cédant à des considérations de bienveillance, de politesse ou même de faiblesse qui étaient assez dans son caractère, que le plus assidu de ses habitués, le père Brigard, eût montré de la fermeté pour lui. C'était une sorte d'apôtre que Brigard, qui s'était acquis une célébrité en mettant en pratique dans sa vie les idées qu'il professait et prêchait. Comte de Brigard, il avait commencé par renoncer à son titre qui le faisait vassal du respect humain et des conventions sociales. Répétiteur de droit, il eût pu facilement gagner 1 000 ou 1 200 francs par mois, mais il avait arrangé le nombre et le prix de ses leçons de façon que sa journée ne lui rapportât que 10 francs pour n'être pas l'esclave de l'argent. Vivant avec une femme qu'il aimait, il avait toujours tenu, bien qu'il en eût 2 filles, à rester avec elle en union libre et à ne pas reconnaître ses enfants, parce que la loi eût affaibli les liens qui l'attachaient à elle et amoindri ses devoirs. C'était la conscience qui sanctionnait ses devoirs, et la nature, comme la conscience, faisait de lui le plus fidèle des maris, le meilleur, le plus affectueux, le plus tendre des pères. Grand, fier, portant dans sa personne et ses manières l'élégance native de sa race, il s'habillait comme le commissionnaire du coin, remplaçant seulement le velours bleu par le velours marron, couleur moins frivole. Habitant Clamart depuis 20 ans, il n'était jamais venu à Paris qu'à pied, et les seules concessions qu'il accorda au superflu ou au bien-être consistaient l'hiver à faire le chemin en sabots, l'été à porter sa veste sur son bras. Ainsi organisé, il lui fallait des disciples, et il en cherchait partout, dans les rues, où il retenait par le bouton les gens qu'il avait pu agripper sous les arbres du Luxembourg, et le mercredi chez son ami, son vieux camarade Crozat. Combien n'en avait-il pas eu? Par malheur, la plupart avaient mal tourné. Quelques-uns étaient devenus ministres, d'autres s'étaient laissés ensevelir dans les hautes places de la magistrature inamovible. Il y en avait qui remuaient des millions. Deux étaient à Nouméa, l'un prêchait dans la chaire de Notre-Dame. Une après-midi d'octobre, la petite salle était pleine. La fin des vacances avait ramené les habitués et pour la première fois on se trouvait à peu près en nombre pour ouvrir une discussion utile. Crozat, près de la porte, souriait aux arrivants en donnant des poignées de main retour de vacances. Et Brigard, son chapeau de feutre mou sur la tête, présidait, assisté de ses deux disciples préférés en ce moment, l'avocat Nougared et le poète Glady, qui, eux, ne tourneraient pas mal, il en était certain. À la vérité, pour ceux qui savaient regarder et voir, la mine blême de Nougared, ses lèvres minces, ses yeux inquiets, et une austérité de tenue et de manière qui jurait avec ses 26 ans, faisait croire à un ambitieux plutôt qu'à un apôtre. De même, quand on savait que Glady était propriétaire d'une belle maison à Paris et d'immeubles en province qui lui rapportaient 100 000 francs de rente, on imaginait difficilement qu'il continuât le père Brigard. Mais voir n'était pas la faculté dominante de Brigard. C'était raisonner, et le raisonnement lui disait que l'ambition ferait bientôt de Nougared un député, comme la fortune ferait un jour de Glady un académicien. Et alors, bien qu'il détestât les assemblées autant que les académies, il aurait deux tribunes élevées, d'où la bonne parole tomberait sur la foule avec plus de poids. On pouvait compter sur eux. Quand Nougared avait commencé à venir aux réunions du mercredi, il était creux comme un tambour, et s'il parlait brillamment sur n'importe quel sujet avec une faconde imperturbable, c'était pour ne rien dire. Dans le premier volume de Glady, on n'avait trouvé que des mots savamment arrangés pour le plaisir des oreilles et des yeux. Maintenant, des idées soutenaient les discours de l'avocat, comme les vers du poète disaient quelque chose. Et ces idées, c'étaient les siennes. Ce quelque chose, c'était le parfum de son enseignement. Depuis une demi-heure que les pipes brûlaient avec un tirage forcé, la fumée ne s'élevait plus que lourdement au plafond, et c'était dans un nuage qu'on voyait Brigard, comme un dieu barbu, proclamant sa loi, le chapeau sur la tête, car s'il avait pour règle de ne jamais l'ôter, il le manœuvrait continuellement pendant qu'il parlait, le mettant tantôt en avant, tantôt en arrière, à droite, à gauche, le relevant, l'aplatissant, selon les besoins de son argumentation. « Il est incontestable, disait-il, que nous éparpillons notre grande force quand nous devrions la concentrer. » Il enfonça son chapeau. « En effet, il le releva, l'heure est venue de nous affirmer comme groupe, et c'est un devoir pour nous, puisque c'est un besoin pour l'humanité. » À ce moment, un nouveau venu se glissa dans la salle sans bruit, discrètement, avec l'intention manifeste de ne déranger personne. Mais Crozat, qui était assis près de l'entrée, l'arrêta au passage et lui serra la main. « Tiens, Saniel, bonjour, docteur. »« Bonsoir, cher monsieur. »« Approchez de la table, la bière est bonne aujourd'hui. »« Je vous remercie, je serai très bien ici. » Sans prendre la chaise que Crozat lui désignait de la main, il s'accota contre le mur. C'était un grand et solide garçon d'une 30 ans, aux cheveux fauves tombant sur le collet de sa redingote, à la barbe longue, frisante, à la figure énergique, mais tourmentée, ravagée, à laquelle des yeux bleus pâles donnaient une expression de dureté que précisait encore une mâchoire osseuse et son allure décidée. En tout un Gaulois, un vrai Gaulois des temps passés, fort, crâne et résolu. Brigard continuait. Il est incontestable, c'était sa formule, car tout ce qu'il disait était incontestable pour lui, par cela seul qu'il le disait. Il est incontestable que dans le désarroi où l'humanité se débat, il importe d'établir le dogme de la conscience, ayant pour unique sanction le devoir accompli et la satisfaction intérieure. Le devoir accompli envers qui? interrompit Saniel, se détachant du mur pour faire un pas en avant. Envers soi-même. Alors, commencez par établir quels sont nos devoirs, et pour cela, codifiez ce qui est bien et ce qui est mal. C'est facile, dit une voix. Facile si vous admettez un respect en quelque sorte inné de la vie humaine, de la propriété et de la famille, mais vous reconnaîtrez que tous les hommes n'ont pas ce respect. Combien ne croient pas que c'est une faute de prendre la femme de leur ami, un crime de s'approprier une chose dont ils ont besoin, de supprimer un ennemi? Alors, où sont les devoirs de ceux qui raisonnent et sentent ainsi? Que vaut leur satisfaction intérieure? C'est pourquoi je n'admets pas que la conscience soit un instrument de précision propre à qualifier ou à peser nos actions. Il s'éleva quelques exclamations que Brigard réprima. À quelle règle obéira l'humanité, je vous prie? Demanda-t-il. À celle de la force, qui est le dernier mot de la philosophie de la vie. Ce qui conduit à une extermination progressive et savante, est-ce là ce que vous voulez? Pourquoi non? Je ne recule pas devant une extermination qui allège l'humanité des non-valeurs qu'elle traîne sans pouvoir avancer et se dégager, succombant à la peine. N'y a-t-il pas tout profit pour elle à se débarrasser de ces non-valeurs qui obstruent son chemin? Au moins l'idée est bizarre chez un médecin, interrompit Croza, puisqu'elle supprime les hôpitaux. Mais pas du tout. Je les conserve pour l'étude des monstres. En mettant la société sur ce pied d'antagonisme aigu, dit Brigard, vous supprimez la société même qui repose sur la réciprocité, sur la solidarité, et vous créez ainsi pour vos forts un état de méfiance qui les paralyse. Carthage et Venise ont pratiqué cette sélection par la force, elles se sont effondrées. Vous parlez de force, mon cher Saniel, interrompit une voix. Où prenez-vous ça, la force des choses, le fatum? Il n'y a pas d'initiative, pas de volonté. Ce sont les événements qui veulent pour nous, le climat, le tempérament, le milieu. Donc, répliqua Saniel, il n'y a pas de responsabilité. Et cet instrument, la conscience, qui devrait tout peser, ne sert à rien. Sans compter que les conséquences des événements, que le succès ou la défaite, viennent encore le fausser. Car tel acte que vous avez cru condamnable en l'accomplissant peut servir à l'espèce, tandis que tel autre que vous avez cru bienfaisant peut nuire. D'où il résulte qu'on ne devrait juger que les intentions et qu'il n'y a que Dieu qui peut sonder les cœurs. Il se mit à rire. Le voulez-vous? Est-ce là votre conclusion? Un garçon de l'hôtel entra, portant des cruchons de bière sur un plateau, et la discussion fut forcément interrompue, tout le monde entourant la table où Croza emplissait les chopes. Alors des conversations particulières s'établirent, ceux qui avaient été en vacances racontant ce qu'ils avaient fait à ceux qui étaient restés à Paris. Saniel était venu serrer la main de Brigard, qu'il avait accueilli assez froidement. Puis il s'était rapproché de Glady avec l'intention manifeste de chercher à l'accaparer. Mais celui-ci avait annoncé qu'il était obligé de partir, et Saniel alors avait dit qu'il ne pouvait pas rester non plus et qu'il n'était entré qu'en passant. Lorsqu'ils furent tous deux sortis, Brigard, s'adressant à Croza et à Nougared, en ce moment près de lui, déclara que Saniel l'inquiétait. « C'est un garçon qui se croit plus fort que la vie, dit-il, parce qu'il est solide et intelligent. » Qu'elle prenne garde qu'elle ne l'écrase. Chapitre 2. Quand Saniel et Glady se trouvèrent sur le trottoir de la rue de Vaugirard, la pluie qui tombait depuis le matin, fouettée par des rafales de l'ouest, venait de s'arrêter, et l'asphalte brillait propre et luisant comme un miroir. « Il fait bon marcher, » dit Saniel. « La pluie va reprendre, » répondit Glady, en regardant le ciel tout chargé de gros nuages noirs qui passaient sur la face de la lune balayée par le vent. « Je ne crois pas. » Il était évident que Glady ne demandait qu'à prendre une voiture. Mais comme il n'en passait pas en ce moment, il fallut bien qu'il marchât à côté de Saniel. « Savez-vous, dit-il, que vous avez blessé Brigard ?»« Sincèrement, je le regrette, mais la salle de notre ami Croza n'est pas encore tout à fait une église. et je n'imaginais pas que la discussion y fût défendue. Nier n'est pas discuter. Vous me dites cela comme si vous étiez fâché contre moi. N'allez pas le croire. Je suis fâché que vous ayez blessé Brigard. C'est cela et rien de plus. C'est déjà trop, car j'ai pour vous une sincère estime, et si vous me permettez de le dire, une réelle amitié. Mais Gladys ne paraissait pas désirer que la conversation prît cette tournure. « Je crois que voici une voiture vide, » dit-il, en apercevant un fiacre qui venait sur eux. « Non, » répondit Saniel, « je vois la lueur d'un cigare derrière la vitre. » Gladys eut un geste d'impatience auquel il ne s'abandonna pas, mais que Saniel, qui l'observait, devait d'autant mieux remarquer qu'il le guettait. Riche et fréquentant les besogneux, Gladys vivait dans la crainte des emprunteurs. Il suffisait qu'on parût vouloir l'entretenir en particulier pour qu'il crût aussitôt qu'on allait lui demander 50 louis ou 20 francs, si bien que tout ami ou tout camarade était un ennemi contre qui il devait défendre sa bourse. Dans une réunion, s'il sentait que des regards le cherchaient, aussitôt il entrait en défiance. Dans la rue, si l'on se dirigeait vers lui, tout de suite il se mettait sur ses gardes. On lui souriait, il avait peur, et plus grande peur encore quand on lui tendait la main, ne sachant jamais si c'était pour serrer la sienne ou pour qu'il mît quelque chose dedans. Et pour n'y rien mettre, il était aux aguets, comme si on allait lui sauter dessus, l'œil ouvert, l'oreille tendue, les deux mains sur ses poches. De là son attitude avec Saniel, en qui il flairait une demande d'argent et sa tentative pour y échapper en prenant une voiture. Le guignon voulait qu'il n'en trouvât point. Il tâcha de se défendre autrement. Ne soyez pas surpris, dit-il avec volubilité, en homme qui parle pour qu'on ne puisse pas placer un mot, que j'ai été peiné de voir Brigard prendre à cœur une sortie qui évidemment n'était pas dirigée contre lui. Ni contre lui, ni contre ses idées. Je le reconnais. Vous n'avez pas à vous défendre, mais j'ai tant d'amitié, tant d'estime, tant de respect pour Brigard que tout ce qui le touche retentit en moi. Et comment en serait-il autrement, quand on sait ce qu'il vaut et quel homme il est? N'est-elle pas admirable, cette vie de médiocrité qu'il s'est faite volontairement pour assurer sa liberté? Quel plus bel exemple! Tout le monde ne peut pas le suivre. Vous croyez qu'on ne peut pas se contenter de 10 francs par jour? Je veux dire que tout le monde n'a pas la chance de gagner 10 francs par jour. Les craintes vagues de Gladys, qui ne reposaient que sur un pressentiment, se précisèrent par ce mot. Après avoir descendu la rue Férou, ils étaient arrivés à la place Saint-Sulpice. « Je pense que je vais enfin trouver une voiture, » dit-il précipitamment. Mais cette espérance ne se réalisa pas. Il n'y avait pas une seule voiture à la station. Du coup, l'impatience s'accentua. Il était pris et forcé de subir l'assaut de Saniel sans pouvoir se dérober. Ce fut ce que Saniel formula. « Vous voilà obligé de faire route avec moi. » Et franchement, je m'en réjouis, car j'ai à vous entretenir d'une affaire sérieuse dont dépend mon avenir. Nous sommes bien mal ici pour causer sérieusement. Je ne trouve pas. Nous pourrions prendre un rendez-vous. À quoi bon, puisque le hasard nous le donne? Il fallait se résigner et mettre au moins, en attendant, de la bonne grâce dans les formes. Je suis tout à vous, dit-il d'un ton gracieux qui contrastait avec ses premières résistances. Saniel, s'y pressant quelques instants auparavant, resta un moment silencieux, marchant à côté de Gladys qui regardait le bitume brillant, et enfin il se décida. « Je vous ai dit que de l'affaire dont je désirais vous entretenir dépendait mon avenir. La voici. En un mot, si je ne trouve pas à me procurer 3 000 francs avant 2 jours, je suis obligé de quitter Paris, de renoncer à mes études, à mes travaux en train, pour aller m'enfouir dans mon pays natal et devenir médecin de campagne. » Gladys ne broncha pas, car s'il n'avait pas prévu le chiffre, il attendait la demande. Il continua de regarder le bout de ses pieds. « Vous savez, continua Saniel, que je suis fils de paysan. Mon père était maréchal, tout petit maréchal dans un pauvre village de l'Auvergne. À l'école, je fis preuve d'une certaine aptitude pour le travail que mes camarades n'avaient pas au même degré. Notre curé me prit en affection et voulut m'apprendre ce qu'il savait, ce qui ne fut pas bien long. Alors il me fit entrer au petit séminaire. Mais je n'avais pas la docilité d'esprit et la soumission de caractère qu'il faut pour cette éducation. Et après quelques années de tiraillement, si on ne me renvoya pas, on me fit comprendre qu'on serait bien aise de me voir partir. J'entrai alors comme maître d'études dans une petite pension, sans appointement bien entendu, pour la nourriture et le logement. Je passai de bons examens et je préparai ma licence quand, à la suite d'une discussion, je quittai cette pension. J'avais gagné quelque argent à donner des leçons particulières et je me trouvais à la tête d'environ 80 francs. Je partis pour Paris, où j'arrivai un matin de juin à 5 heures sans y connaître personne. J'avais une petite caisse avec quelques chemises dedans qui m'obligeait à prendre une voiture. Je dis au cocher de me conduire à un hôtel du quartier latin. « Quel hôtel ? » dit le cocher. « Cela m'est égal. Voulez-vous l'hôtel Racine ? Va pour l'hôtel Racine, le nom me plaît. » Nous roulions depuis assez longtemps quand le cocher arrêta son cheval et voulut revenir en arrière. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « J'ai dépassé l'hôtel Racine. » « Continuez, je ne tiens pas plus à l'hôtel Racine qu'à un autre. » « Voulez-vous l'hôtel du Sénat ? » ?»« Le nom me va mieux encore, c'est peut-être un présage. » Il me conduisit à l'hôtel du Sénat, où avec ce qui me restait de mes 80 francs, je payais un mois d'avance. J'y suis resté 8 ans. « C'est drôle. » « Que faire ? Je connaissais le latin et le grec aussi bien comme en France, mais pour le reste, j'étais ignorant comme un cuistre. Le matin même, je cherchais à tirer parti de ce que je savais et m'en allais chez un éditeur de livres classiques dont j'avais entendu parler par mon professeur de littérature grecque. Après m'avoir interrogé, il me donna à préparer un pain d'art avec des notes en latin et m'avança 30 francs qui me firent vivre un mois. Ce qui m'avait amené à Paris, c'était l'envie de travailler, mais sans que je me fusse dit à l'avance à quoi je travaillerais. J'allais partout où des cours étaient ouverts, à la Sorbonne, au Collège de France, à l'école de droit, à l'école de médecine, et ce ne fut qu'après un mois que je me décidai. Les subtilités du droit m'avaient déplu. Au contraire, l'enseignement de la médecine reposant sur l'observation des faits m'attirait. Je serais médecin. Tout à fait un mariage de raison, allez. Non, un mariage d'amour, car la raison, si je l'avais consultée, m'aurait dit qu'épouser la médecine quand on n'a rien, ni famille pour vous soutenir, ni relation pour vous pousser, c'est se condamner à une vie d'épreuves, de lutte et de misère, dans laquelle les mieux trempés laissent lambeau après lambeau, la santé physique aussi bien que la santé morale, leur force comme leur dignité. Mon temps d'étude fut heureux. Je travaillais, et avec quelques leçons de latin que je donnais, j'avais de quoi manger. Quand je touchais comme interne 600 francs, 800 francs, 900 francs, je crus que c'était la fortune, et je serais resté interne toute la vie, si j'avais pu. Reçu docteur, je dus quitter l'hôpital. Riche de quelques milliers de francs, j'aurais suivi rigoureusement la voie que mon ambition avait rêvée, celle des concours. Mais je n'avais pas un sou pour attendre. En soignant la maîtresse d'un de mes camarades, j'avais connu un tapissier qui me proposa de meubler un appartement que je payerais plus tard. Comme pour une cocotte ? Justement, je me laissais tenter. N'oubliez pas que j'avais passé 8 ans à l'hôtel du Sénat et que je ne savais rien de la vie parisienne. Chez moi, dans mes meubles, un domestique dans mon antichambre, j'allais être quelqu'un. Mon tapissier aurait pu m'installer dans son quartier, qu'il m'aurait peut-être trouvé des malades dans la clientèle de la haute noce, mais il n'en eut pas l'idée, jugeant sans doute qu'avec ma tournure lourdaude, je n'étais pas fait pour réussir dans ce monde-là. Arriver, c'est une originalité d'être paysan, on vous trouve fort. En route, c'est une honte. Ce fut Louis le Grand, dans une maison d'aspect grave, qu'il me choisit l'appartement qu'il meubla. Un salon magistral, avec 6 fauteuils et 2 canapés Louis XIV de grand style, un cabinet austère et confortable à la fois, rien dans la salle à manger, un petit lit en fer et une chaise de paille dans la chambre. Me voilà donc prête à descendre dans la lutte, avec 10 000 francs de dette derrière moi, les intérêts, les très gros intérêts de cette somme, un loyer de 2 400 francs, pas un sou en poche, pas une relation. C'était de la bravoure. Je ne savais pas que dans Paris tout se fait par relation, et j'imaginais que des bras solides suffisent à un homme intelligent pour s'ouvrir une trouée. L'expérience allait m'instruire. Quand un nouveau médecin arrive quelque part, ce n'est généralement pas avec sympathie que ses confrères l'accueillent. Que veut cet intrus ? N'étions-nous pas déjà assez nombreux ? On le surveille, et au premier malade qu'il perd, on tire parti de son ignorance ou de son imprudence de façon à lui rendre la place difficile. Chez les pharmaciens de mon quartier, auxquels je devais aussi une visite, la réception ne fut pas plus chaude. On me fit sentir la distance qui sépare un honorable commerçant d'un crève-la-faim, et je dus comprendre qu'on ne me protégerait que si j'ordonnais les spécialités qu'on exploitait, le fer de celui-ci, le goudron de celui-là. En commençant, je n'eus donc pour client que les gens du quartier dont le principe était de ne pas payer leur médecin attendant l'arrivée d'un nouveau pour quitter l'ancien. Et l'espèce en est nombreuse partout. Le hasard avait voulu que mon concierge fût auvergnat comme moi et il considéra que c'était un devoir pour lui de me faire soigner gratis tous nos pays qu'il racola dans le quartier et partout, de sorte que j'eus la satisfaction patriotique de voir tous les charbonniers de la Auvergne se carrer dans mes beaux fauteuils. À la fin, en restant religieusement chez moi les dimanches d'été, pendant que mes confrères étaient au champ, en me levant vivement la nuit toutes les fois que ma sonnette tintait, je finis par accrocher quelques clients moins fantaisistes. J'obtins un prix à l'académie. En même temps, je faisais, au rabais, des cours d'anatomie dans les pensions de la banlieue, je donnais des leçons, j'entreprenais tous les travaux anonymes de librairie et de journalisme que je pouvais me procurer. Je dormais 5 heures par jour, et en 4 ans, j'arrivais à diminuer ma dette de 7 000 francs. Mon tapissier aurait voulu être payé. J'en serais venu à bout, mais telle n'était pas son intention. Ce qu'il veut, c'est reprendre ses meubles, qui ne sont pas usés, et garder ce qu'il a reçu. Si je ne paye pas ces 3 000 francs d'ici quelques jours, je suis dans la rue. À la vérité, j'ai à toucher 1 millier de francs, mais les clients qui me doivent ne sont pas à Paris ou ne payeront qu'en janvier. Voilà ma situation. Désespérée, car je n'ai personne à qui m'adresser. Ceux à qui j'ai fait appel ne m'ont pas écouté. Je vous ai dit que je n'avais pas de relations, et je n'ai pas non plus d'amis. Peut-être parce que je ne suis pas aimable. C'est alors que j'ai pensé à vous. Vous me connaissez. Vous savez qu'on croit que j'ai de l'avenir. Avant 3 mois, je serai médecin des hôpitaux. Mes concurrents admettent que je ne raterai pas l'agrégation. J'ai en train des expériences qui me feront peut-être un nom. Voulez-vous me tendre la main ? Glady la lui tendit. Je vous remercie de vous être adressé à moi. C'est une preuve de confiance qui me touche. Il serra chaleureusement la main qu'il avait prise. Je vois que vous avez deviné les sentiments d'estime que vous m'inspirez. Saniel respira. Malheureusement, continua Glady, je ne pourrai faire ce que vous désirez qu'en me mettant en contradiction avec ma ligne de conduite. En entrant dans la vie, j'ai obligé tous ceux qui s'adressaient à moi, et quand je n'ai pas perdu mes amis, j'ai perdu mon argent. Je me suis donc juré de refuser tout prêt. C'est un serment auquel je ne puis manquer. Que diraient mes vieux amis s'ils apprenaient que j'ai fait pour un jeune ce que je leur ai refusé ? Qui le saurait ? Ma conscience. Ils arrivaient sur le quai Voltaire où stationnaient des fiacres. « Voici enfin des voitures, » dit Glady. « Pardonnez-moi de vous quitter, je suis pressée. » Chapitre 3. Glady était montée si vivement en voiture que Saniel restait sur le trottoir interloqué. Ce fut seulement quand la portière se referma qu'il comprit. « Sa conscience, » murmura-t-il. « Les voilà donc, Tartuffe !» Après un moment d'hésitation, il continua son chemin et prit le pont des Saints-Pères. Mais il marchait à pas hésitant, en homme qui ne sait où il va. Bientôt il s'arrêta et appuyant ses deux bras sur le parapet, il regarda la Seine couler, rapide, sombre, avec de petites vagues qui se frangeaient d'écume blanche à la circonférence des remous. La pluie ne tombait plus, mais le vent soufflait toujours en rafale, soulevant la rivière et balançant dans l'obscurité les feux rouges et verts des bateaux omnibus. Des passants allaient et venaient, et plus d'un l'examinait du coin de l'œil, se demandant ce que faisait là ce grand corps et s'il n'allait pas se jeter à l'eau. Et pourquoi pas? Quoi de mieux à faire? C'était en effet ce que Saniel se disait en regardant l'eau couler. Un plongeon, et il en finissait avec la lutte écrasante engagée follement depuis 4 ans, et qui, à la fin, affolait son esprit. Ce n'était pas la première fois que cette idée d'en finir le tentait, et il ne l'avait écartée qu'en inventant sans cesse de nouvelles combinaisons qui, semblait-il, au moment même où elles lui venaient à l'esprit, pouvaient le sauver. Pourquoi s'abandonner avant d'avoir tout essayé, tout épuisé? Voilà comment il en était arrivé à Glady. Il le connaissait cependant et savait que sa réputation d'avarice, dont tout le monde plaisantait, reposait sur des faits certains. Mais il s'était dit que si le propriétaire refusait obstinément tout prêt amical, qui ne devait servir qu'à payer des dettes de jeunesse, le poète pouvait très bien vouloir remplir le rôle de la Providence et sauver du naufrage, sans rien risquer, un homme d'avenir qui plus tard lui rendrait ce service rendu. Et c'était dans ces conditions qu'il avait risqué sa demande. Le propriétaire avait répondu, le poète s'était tu. Maintenant, rien à attendre de personne. Celui-là était le dernier. En expliquant sa situation à Glady, il en avait plutôt atténué la misère qu'il ne l'avait exagérée. Ce n'était pas seulement à son tapissier qu'il devait, c'était aussi à son tailleur, à son bottier, au charbonnier, à son concierge, à tous ceux avec qui il était en relation. En réalité, ses créanciers ne l'avaient pas trop harcelé jusqu'à ce jour, parce qu'il comptait être payé. Mais il n'en allait plus être de même quand ils le verraient poursuivi. Eux aussi mettraient des huissiers en marche. Alors comment se défendrait-il? Comment vivrait-il? Il n'aurait d'autre ressource que de retourner à l'hôtel du Sénat, où il ne le laisserait pas tranquille, ou bien de s'en aller dans son pays natal, se faire médecin de campagne. Dans l'un comme dans l'autre cas, c'était le renoncement à toutes ses ambitions. Mieux ne valait-il pas la mort? À quoi était bonne la vie si elle ne lui donnait rien de ce qu'il avait rêvé et de ce qu'il voulait? Comme beaucoup de ceux qui sont en contact habituel avec la mort, la vie était en soi peu de chose pour lui, la sienne aussi bien que celle des autres. Avec Hamlet, il disait « mourir, dormir, rien de plus ». Mais sans ajouter « mourir, dormir, rêver peut-être », bien certain que les morts ne rêvaient pas. Et qu'y a-t-il de meilleur que de dormir pour ceux dont la route a été dure? Il restait ainsi, absorbé dans sa pensée, lorsqu'un corps, s'interposant entre lui et le bec de gaz, vacillant, projeta une ombre sur sa tête qui machinalement le fit se redresser. Qui était là? Simplement un sergent de ville, qui était venu s'adosser au parapet sur lequel lui-même s'appuyait. Il comprit. Assurément, son attitude était celle d'un homme qui va se jeter à la rivière. Et le sergent de ville se postait là pour l'en empêcher. « Merci, » dit-il au sergent de ville, ébahi. Et il reprit sa route, marchant vite, mais entendant distinctement l'homme de police qui lui emboîtait le pas, le prenant pour un fou qu'il faut surveiller. Quand il quitta le pont des Saints-Pères pour la place du Carrousel, cette surveillance cessa et il put revenir à ses réflexions librement, au moins aussi librement que le permettaient son trouble et son découragement. Ce sont les faibles qui se tuent. Les forts luttent jusqu'à leur dernier souffle. Et si bas qu'il fût, il n'en était pas encore à ce dernier souffle. Lorsqu'il s'était décidé à s'adresser à Glady, il avait hésité entre celui-ci et un usurier appelé Cafier, qu'il ne connaissait pas personnellement, mais dont il avait souvent entendu parler comme d'un vrai coquin, s'occupant de toutes sortes d'affaires, des mauvaises de préférence aux bonnes, de succession, de mariage, d'interdiction, de chantage, et s'il n'avait point été à lui, c'était autant par crainte d'être refusé que par peur de se mettre dans de pareilles mains au cas où elle voudrait bien l'accepter. Mais ses scrupules et ses craintes n'étaient plus de saison. Puisque Glady lui manquait, coûte que coûte, et quoi qu'il pût en advenir, il fallait bien se retourner du côté du coquin. Il savait que Cafier demeurait rue Sainte-Anne, mais il ignorait son numéro. Il n'eut qu'à entrer chez un de ses clients, marchand de vin, rue Thérèse, pour le trouver en consultant le bottin. C'était à deux pas, et tout de suite il décida de risquer l'aventure. L'affaire pressait. Découragé par toutes les démarches qu'il avait essayées jusqu'à ce jour, rebuté par les espoirs trahis, irrité par les rebuffades reçues, il ne s'abusait pas sur les chances de cette dernière tentative, mais enfin il devait la faire, si peu solide que fussent ses chances. C'était une vieille maison de la butte des Moulins qu'habitait Cafier et qui autrefois avait dû être un hôtel particulier. Elle se composait de deux corps de bâtiment, l'un sur la rue, l'autre sur une cour intérieure. Une porte cochère donnait accès dans cette cour et sous sa voûte, après un escalier, se trouvait la loge du concierge. Ce fut vainement que Saniel frappa à cette porte. Fermée à clé, elle ne s'ouvrit point. Il dut attendre quelques instants et dans son impatience nerveuse, il se mit à marcher de long en large dans la cour. Enfin, une vieille femme cassée et voûtée parut, un rat de cave à la main, et s'excusa. Seule, elle ne pouvait pas être partout en même temps, à garder sa loge et à allumer dans l'escalier de la propriétaire. C'était au premier étage que demeurait Cafier, dans le corps de bâtiment sur la rue. Saniel monta au premier et sonna. Un temps assez long, ou tout au moins qui parut très long à son inquiétude, s'écoula avant qu'on lui répondît. À la fin, il entendit un pas lent et traînant sur le carreau, et la porte s'entr'ouvrit, mais retenue par la main et par le pied. « Qui demandez-vous ? » ?»« Monsieur Cafier. » »« C'est moi. Qui êtes-vous ? » ?»« Le docteur Saniel. » »« Je n'ai pas appelé de médecin. » »« Ce n'est pas comme médecin que je me présente, c'est comme client. » »« Ce n'est pas l'heure de me consulter. » »« Mais puisque vous êtes chez vous. » »« Au fait. » Et Cafier, se décidant à ouvrir la porte, livra passage à Saniel, puis il la referma. « Entrez dans mon cabinet. » Ils étaient dans une toute petite pièce, encombrée de dossiers, qui n'avait pour tout mobilier qu'un vieux bureau et trois chaises. Elle communiquait directement avec le cabinet de l'homme d'affaires, plus grand mais meublé avec la même simplicité, et tout encombré de paperasse qui dégageait une odeur de moisissure. « Mon clerc est malade en ce moment, » dit Cafier, « et quand je suis seul, je n'aime pas à ouvrir. » Cette excuse donnée, il montra une chaise à Saniel et s'asseyant lui-même devant son bureau, éclairé par une lampe dont il avait enlevé l'abat-jour, il dit « Docteur, je vous écoute. » Il remit l'abat-jour sur la lampe. Saniel exposa sa demande, non avec tous les développements dans lesquels il était entré pour Gladys, mais succinctement. Il devait 3 000 francs au tapissier qui lui avait fourni son mobilier, et comme il ne pouvait payer en ce moment, il était sous le coup de poursuites imminentes. « Quel est ce tapissier ?» demanda Cafier en tenant sa joue gauche dans sa main droite. « Jardine, boulevard Haussmann. » « Connu, c'est son industrie de reprendre ainsi les meubles qu'il a vendus quand ils sont aux 3/4 payés, et elle l'a enrichi. Quelle somme lui avez-vous déjà versée sur ce mobilier de 10 000 francs ?»« Avec les acomptes et les intérêts, près de 12 000. »« Et vous en redevez 3 000 ?»« Oui. » »« C'est gentil. » Cafier parut plein d'admiration pour cette façon de procéder. « Quelle garantie avez-vous à offrir pour cet emprunt de 3 000 francs ?»« Pas d'autre que ma position présente, je l'avoue, et surtout mon avenir. » Sur un signe de Cafier, il expliqua quel était cet avenir, tandis que l'homme d'affaires, sa joue dans sa main, écoutait en poussant de temps en temps un soupir étouffé, une sorte de plainte. « dit Cafier, quand Saniel fut arrivé au bout de son explication. « Vous savez, mon cher monsieur, vous savez, ma foi, sur l'avenir, bien fou qui se fira. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Vous en êtes à dimanche, mon cher monsieur. Mais je ne suis ni au bout de ma vie, ni au bout de mon énergie, et je vous assure que cette énergie me rend capable de beaucoup de choses. Je n'en doute pas. Je sais ce que peut l'énergie. Dites à un grec, crevant de faim, de monter au ciel. Il y va. Griculus caesurien sincelum iuseris ibit. « Je ne vois pas que vous soyez parti pour le ciel. » Cafier eut un mauvais sourire, accompagné d'une grimace. Avant d'être l'usurier de la rue Sainte-Anne, dont tout le monde parlait comme d'un coquin, il avait été avoué en province, juge suppléant, et si des malheurs immérités l'avaient obligé à se démettre pour venir cacher ses désagréments à Paris, il ne perdait jamais l'occasion de montrer qu'il était, par l'éducation, au-dessus de sa situation présente. Trouvant dans ce nouveau client un érudit, il était bien aise de placer quelques citations qui devaient lui valoir de la considération. « C'est peut-être parce que je ne suis pas grec, » répondit Saniel, « mais je suis auvergnat et les gens de mon pays ont les reins solides. » Cafier secoua la tête. « Mon cher monsieur, je dois vous dire franchement que je ne crois pas l'affaire possible. Je la ferai bien moi-même parce que par l'intelligence que je lis sur votre physionomie, la résolution qui se montre dans toute votre personne, vous m'inspirez confiance, mais je n'ai pas de fonds à mettre dans ces sortes d'opérations. Je ne puis être, comme toujours, qu'un intermédiaire, c'est-à-dire proposer cet emprunt à l'un de mes clients, et je ne vois pas qui se contentera de garanties ne reposant que sur un avenir plus ou moins problématique. Il y a tant de médecins à Paris qui sont dans votre position. » Saniel se leva. « Vous partez ? » s'écria Cafier. « Mais asseyez-vous donc, mon cher monsieur. Il ne faut pas ainsi jeter le manche après la cognée. Vous m'adressez une proposition. Je vous montre les difficultés qu'elle rencontrera, selon moi, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas un moyen de vous tirer d'embarras. C'est à chercher. Il n'y a que quelques minutes que je vous connais, mais il ne faut pas longtemps pour apprécier les gens comme vous. Et franchement, vous m'inspirez un très vif intérêt. » Où voulait-il en venir? Saniel n'était pas un naïf qui se laisse prendre au premier mot. Et il n'était pas davantage un fat qui accepte bouche béante les compliments qu'on lui adresse. Pourquoi inspirait-il ainsi un intérêt subit à ce coquin qui avait la réputation de pousser la dureté des hommes d'affaires jusqu'à la férocité? C'était à voir. En attendant, il devait se tenir sur ses gardes. « Je suis très touché de votre sympathie, » dit-il. « Je vais vous prouver qu'elle est réelle et qu'elle peut devenir efficace. Vous venez à moi parce que vous avez besoin de 3 000 francs. Que je vous les trouve et je vous promets de les chercher, bien que cela me paraît difficile, très difficile. Ils assureront votre repos présent. Mais assureront-ils votre avenir? C'est-à-dire, vous permettront-ils de continuer les travaux importants dont vous venez de me parler et sur lesquels votre ambition compte? Non. Les luttes dans lesquelles vous vous débattez et vous usez recommenceront bientôt. Et c'est de ces luttes que vous devez vous débarrasser pour vous assurer la liberté de travail qui vous est indispensable si vous voulez marcher droit et vite. Pour cela, je ne vois qu'un moyen, vous marier.